Andi Buddha Yan Loko Tenukita Vipassati Saku no Jala Mudova Aposakaya Kachati. People are in the world blind. Only a few people see clearly. Dans le monde, rares sont ceux qui voient clairement. De même que très peu d'oiseaux échappent au filet du chasseur, peu de personnes reprennent naissance dans les sugatis, les plans agréables, autrement dit, peu de personnes atteignent l'illumination. Ces stances ont été prononcées par le Bouddha après qu'il ait posé à la jeune fille les quatre questions. Je vous en ai parlé brièvement hier, je vous ai expliqué la première partie de cette strophe. Rares sont ceux qui voient clairement. Aujourd'hui, je vais continuer à expliquer ce texte. Vous avez entendu parler des trois sikkhas, les trois entraînements. L'entraînement à la moralité, sila sikkha, l'entraînement à la concentration, samadhi sikkha, et l'entraînement à la sagesse ou compréhension, panya sikkha. L'entraînement à la moralité, sila sikkha, ne permet pas de développer la vision correcte. Elle ne permet pas d'arriver à voir les choses telles qu'elles sont réellement. L'entraînement à la concentration, samadhi sikkha, ne permet pas non plus d'arriver à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Seul l'entraînement à la compréhension, à la sagesse, panya sikkha, permet de développer cette compréhension. Le méditant réussira à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Mais ces trois entraînements sont reliés entre eux. Sans sila, il n'est pas possible de développer la concentration. Si on n'a pas de concentration, on ne réussira pas à comprendre clairement. On ne peut pas se dire, par exemple, « Je ne vais pratiquer que le troisième entraînement, panya sikkha, et je laisse tomber les deux premiers. » Ce n'est pas possible, parce que ces trois entraînements sont reliés entre eux. Sila est considérée comme très importante, car la moralité, c'est le fondement de la pratique. Si donc on s'entraîne à la moralité, à la concentration et à la sagesse, nous réussirons, tôt ou tard, à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ceci explique donc la phrase du Bouddha, « Rares sont ceux qui voient clairement ». Nous allons donc entraîner nos esprits par la pratique des quatre établissements de l'attention. Ces quatre établissements pour l'attention sont Kayanupassana, la contemplation du corps, Vedananupassana, la contemplation des sensations, Chittanupassana, la contemplation de l'esprit, et Dhammanupassana, la contemplation des dhammas. Nous allons donc entraîner nos esprits pour comprendre clairement les choses telles qu'elles sont réellement. Si donc nous entraînons nos esprits par ces quatre satipatthana, et lorsque notre attention sera devenue suffisamment forte, nous pourrons voir ce qui se passe dans notre corps et dans notre esprit. Au début de la pratique, nous essayons d'appliquer les instructions. Elles nous demandent de garder notre esprit fixé sur l'objet, que ce soit en posture assise ou dans la marche. Nous essayons donc d'être attentifs de façon très précise. Pour y arriver, nous fournissons un gros effort physique et mental. L'effort mental consiste à chaque fois à propulser l'esprit vers l'objet. De cette façon, nous réussissons à être attentifs avec précision. Dès que notre énergie physique et mentale se sera renforcée, et pourvu que nous soyons attentifs de façon précise aux objets, nous ne verrons plus que du mouvement lorsque nous observerons l'abdomen qui se soulève et qui s'abaisse. Nous comprendrons qu'il y a chaque fois un mouvement vers le haut, un mouvement vers le bas. Si nous sommes capables d'expérimenter le mouvement à l'état pur, nous comprenons ce qui se passe dans l'abdomen à ce moment-là. C'est la compréhension. Nous allons également comprendre les pensées. Nous pourrons constater qu'il y a toutes sortes de pensées, toutes sortes d'émotions, Par exemple, nous serons parfois heureux, parfois malheureux, parfois inquiets. Le Bouddha nous demande au bhikkhu, lorsqu'une pensée non sage est dans son esprit, de savoir que dans son esprit, en lui, il y a une pensée non sage. Ceci veut tout simplement dire qu'il doit noter. Lorsqu'il n'y a pas de pensée non sage en lui, le bhikkhu doit savoir qu'il n'y a pas de pensée non sage dans son esprit. De nouveau, cela veut dire qu'il doit noter. S'il note ainsi, il verra que cette pensée disparaît. Préhension. Si nous sommes toujours attentifs, que nous sommes capables d'emmener notre attention partout avec nous pendant toute la journée, nous réussirons à voir ce qui se passe dans notre corps. Nous constaterons qu'il y a parfois de la chaleur, du froid, parfois de la dureté, de la douceur, parfois il y aura de l'eau, de la transpiration. Tout ceci, ce sont les éléments. Mais en général, nous n'utilisons pas le terme « élément ». Nous disons tout simplement « il y avait de la chaleur, il y avait du froid, c'était dur, c'était doux, etc. » Ainsi, nous expérimentons cela de façon authentique. Du temps du Bouddha, on utilisait le pali et toutes ces choses étaient appelées Patavidhatu, l'élémentaire, Apodhatu, l'élément eau, Tejodhatu, l'élément feu et Vayodhatu, l'élément air. Mais ici, ce n'est pas nécessaire d'utiliser les mots pali. Pour que l'expérience soit authentique, il est préférable de s'exprimer plus simplement et de dire, par exemple, il y a du froid, du chaud, etc. Vous expérimentez donc de la chaleur, du froid, de la dureté, etc. Pourquoi expérimentez-vous ces choses? Parce que vous êtes très attentif. Vous observez ce qui se passe dans votre corps. Le fait de prendre conscience, c'est l'esprit. La sensation de chaleur, de dureté, de froid, c'est la matière. Vous faites la distinction entre l'esprit et la matière. C'est comprendre clairement. Mais si vous n'êtes pas attentif de façon précise, vous ne savez même pas que ces choses sont en vous. Si vous observez attentivement par contre, vous êtes conscient de ce qui se passe dans votre corps et dans votre esprit. Chaque fois donc que vous notez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, la posture assise et le toucher, si vous le faites sans interruption, vous remarquerez par exemple qu'il y a du mouvement dans l'abdomen. Il y a de la dureté à la fin de ces mouvements. Si vous observez la posture assise, vous expérimenterez peut-être de la rigidité dans la partie supérieure du corps. Vous expérimenterez au moment du toucher une sensation de dureté aux fesses par exemple. Parfois, le méditant expérimente également la dureté à l'endroit où les deux mains entrent en contact l'une avec l'autre. Tout ceci, c'est la compréhension. Parfois, lorsque vous êtes bien concentré, vous pouvez être conscient de certaines parties du corps et des sensations de contact à des endroits bien précis du corps. Par exemple, si vous maintenez les deux mains l'une au-dessus de l'autre, par exemple la main gauche se trouve en dessous de la main droite au moment où vous méditez, vous êtes occupé à observer attentivement les mouvements de l'abdomen, votre esprit est fixé fermement sur l'objet et subitement, vous ressentez la sensation de contact à cet endroit du corps. C'est très précis. Parfois, vous pouvez décrire que c'est la main gauche qui est sensible, que la main droite ne ressent pas grand-chose. Parfois, vous êtes capable de ressentir de la dureté, par exemple, à un point très précis. Et le yogi est capable d'expliquer tout cela avec précision. Il sent très clairement. Ceci, c'est également la compréhension claire. Parfois, la sensation de toucher au niveau des fesses sera très claire. Vous verrez que cette sensation de dureté irradie jusque dans les os. Et le yogi est capable de l'expliquer très clairement. Mais si vous n'avez pas expérimenté ce genre de choses, ne vous en faites pas. Chaque yogi expérimente à sa façon. Pour comprendre, il suffit d'avoir expérimenté, par exemple, une sensation comme de la tension dans les genoux. c'est suffisant. Chaque fois donc que vous allez observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous allez développer votre attention et vous comprendrez de plus en plus clairement. Lorsque vous observerez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous allez ressentir de la dureté, de la chaleur, du mouvement. Tout cela, ce sont donc les quatre éléments. Si vous êtes très attentif et que vous observez ces choses, une sorte de compréhension va se manifester dans votre esprit. Vous comprendrez qu'à l'intérieur de cette sensation de dureté, de froid, il n'y a personne. Il n'y a que la sensation de dureté ou la sensation de froid. Cette compréhension va se manifester spontanément pourvu que vous soyez très attentif. Vous êtes donc en mesure de noter du mouvement, de la dureté, du froid, de la chaleur, de la douceur, de la liquidité dans votre corps. Si vous êtes capable de noter ces choses, vous éliminez le concept. Vous comprenez qu'il n'y a personne dans la dureté, personne dans le froid, personne dans cette liquidité, personne dans le mouvement. Il n'y a jamais que les éléments. C'est de cette façon que vous réussissez à éliminer le concept. Mais si vous ne pratiquez pas Vipassana, lorsqu'il y aura une sensation de froid en vous, vous vous direz « j'ai froid ». Lorsqu'il y aura de la chaleur en vous, vous direz « j'ai chaud ». Vous n'aurez donc pas éliminé le concept du « je ». Par contre, si vous pratiquez Vipassana et que votre attention est devenue forte, vous comprendrez correctement ces choses. Le yogi comprend par lui-même. Ceci veut donc dire, explique la phrase du Bouddha, « rares sont ceux qui voient clairement ». Lorsque vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, que votre esprit est fixé sur l'abdomen, il est possible que vous constatiez que ces mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen sont reliés aux inspirations et aux expirations. Vous comprenez que parce qu'il y a les inspirations et les expirations, il y a mouvement dans l'abdomen. Vous allez alors être satisfait de votre pratique. Parfois, le yogi explique qu'au moment où il observait attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il était subitement conscient des sensations au niveau des narines. Il comprend alors que les inspirations et les expirations provoquent les mouvements dans l'abdomen. Ce yogi réalise les causes et les effets. La cause, ce sont les inspirations et les expirations. L'effet, ce sont les mouvements de soulèvement et d'abaissement. Ce yogi voit clairement. Parfois, lorsque son attention est forte, le yogi comprend qu'il note soulèvement et abaissement tout simplement parce qu'au préalable, ces mouvements ont eu lieu. C'est une autre façon de réaliser les causes et les effets. De nouveau, ce yogi comprend. Pendant la marche, vous faites une note, deux notes ou trois notes, et parfois vous notez l'intention. Lorsque l'attention est devenue forte, le yogi voit clairement qu'avant d'avancer le pied, il y a l'intention de le faire, qu'avant d'abaisser le pied, il y a également l'intention de le faire. Lorsque son attention se sera encore renforcée, ce yogi devient capable de voir l'intention qui précède tous les mouvements qu'il est amené à faire tout au long de la journée. Il est capable de noter l'intention chaque fois qu'un mouvement se produit. Ceci, c'est également comprendre clairement. Vous essayez de rester attentif le plus possible. Et vous réussissez à emmener votre attention partout avec vous pendant un certain temps. Votre attention est devenue plus forte. Au début, ce n'est pas facile de maintenir l'esprit fixé sur le mouvement de l'abdomen. Vous y arrivez peut-être une fois, deux fois, et après votre esprit s'envole. C'est très difficile de le maintenir sur ces mouvements parce qu'il y a toutes sortes de pensées. Votre esprit ne reste pas en vous. Les pensées l'emportent. Mais maintenant, vous avez réussi à développer votre attention et vous êtes devenu capable de noter toutes sortes de choses. Vous notez les pensées, il y a toutes sortes de pensées, des projets d'avenir, des réflexions, des souvenirs. Vous êtes capable de noter les sensations, Vous notez les douleurs, il y a toutes sortes de douleurs. Vous notez également les sensations plus subtiles, comme la chaleur, le froid, la dureté. Et vous pouvez décrire tout cela en détail à l'entretien. Si vous êtes capable de le décrire en détail à l'entretien, c'est tout simplement parce que vous l'avez expérimenté. Vous avez été très attentif et votre attention est devenue forte. Si vous n'aviez pas une forte attention, vous ne pourriez pas décrire avec autant de détails. C'est la qualité de l'attention. Si vous changez de posture, cela veut tout simplement dire que vous n'êtes pas encore capable d'accepter la sensation désagréable. Par contre, si vous ne changez pas de posture lorsqu'il y a une sensation désagréable en vous, cela veut dire que vous êtes en mesure de l'accepter. Vous comprenez qu'il y a en vous toutes sortes de sensations douloureuses. Vous comprenez ces différentes sensations. Votre pratique va alors prendre du rythme. Et ceci veut tout simplement dire que vous disposez dorénavant de l'énergie de la patience, l'énergie de la tolérance. Et ce n'est pas facile d'y arriver. Tout ceci ne peut s'acquérir que par la pratique, sur le terrain. Il faut développer la tolérance, la patience et comprendre la sensation douloureuse. C'est la qualité de la patience. Il y a donc les sensations désagréables physiques. Vous les avez expérimentées dans votre pratique et vous comprenez qu'il y a toutes sortes de sensations désagréables dans le corps. Vous le comprenez parce que vous avez développé votre attention. Il y a également les sensations désagréables mentales. On parle de kayika dukkha et de cetasika dukkha. Cetasika dukkha, c'est donc la sensation mentale désagréable. Vous expérimentez parfois du découragement, de la colère, de l'anxiété, de l'inquiétude. Tout cela, ce sont des sensations mentales désagréables. Lorsqu'elles sont présentes dans votre esprit, vous devez les noter, puisqu'il vous est demandé de noter tout ce qui se manifeste à chaque instant dans le corps et dans l'esprit. Vous ne devez pas oublier de noter ces choses. Vous notez donc malheureux, malheureux, ou bien inquiet, inquiet. Si vous n'arrivez pas à gérer ces émotions correctement, elles vont se transformer et devenir peut-être de la tristesse. Vous devez alors noter tristesse, tristesse. Si vous ne réussissez pas à la gérer correctement, elle pourrait se transformer en colère, par exemple. Vous devez alors noter colère, colère. Mais si vous arrivez à gérer correctement toutes ces émotions, à chaque fois les noter, votre esprit va se stabiliser, il va devenir frais et calme. Si c'est le cas, vous devez de nouveau noter calme, calme, frais, frais. Un méditant qui est capable de pratiquer ainsi voit clairement que l'esprit change à chaque instant. Si nous sommes capables de gérer ces sensations désagréables physiques et mentales, nous aurons développé la patience et nous comprendrons que ces sensations ne durent pas. Elles n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître. C'est surtout au début de la pratique que les méditants expérimentent les sensations désagréables, qu'elles soient physiques ou mentales. Mais leur attention va ainsi se développer progressivement. Et lorsqu'ils retourneront dans la vie de tous les jours, ils sauront comment gérer ces choses, tout simplement parce qu'ils ont appris à le faire dans le stage. Plus nous sommes attentifs, plus nous savons comment vivre. Plus nous observons le corps et l'esprit, plus nous saurons nous adapter dans la vie de tous les jours. Au début, nous devons faire un gros effort pour propulser chaque fois notre esprit vers l'objet. Mais petit à petit, notre attention va se développer et nous deviendrons conscients d'un nombre croissant de phénomènes. Et nous saurons chaque fois les noter. Lorsque notre attention se sera ainsi renforcée, nous aurons l'impression que ce sont les objets qui viennent à nous. C'est comme si la chaleur, par exemple, apparaissait en nous et nous appelait, nous demandait d'en prendre note. Le froid aussi, s'il y a du froid en nous, nous ne devons plus propulser notre esprit vers cette sensation. C'est ce froid qui s'impose naturellement à notre esprit, comme s'il nous demandait de le noter. Les objets nous viennent donc spontanément à l'esprit, automatiquement. Alors qu'au début, nous devions faire un gros effort pour les noter. Si nous avons l'impression que les objets se manifestent automatiquement, c'est parce que nous avons dorénavant la force de l'attention. On pourrait comparer cela aux oiseaux qui mangent le riz ou les grains qu'on leur a lancés. Les oiseaux les attrapent très vite avec leur bec. Ici aussi, le yogi est devenu capable, lorsque son attention est forte, d'attraper les objets très rapidement. Il en voit un, il ne le voit même pas disparaître parce que le second est déjà apparu. Il voit que c'est sans fin, qu'il y a à chaque instant un nouvel objet. Ceci, c'est également voir clairement. Rares sont donc ceux qui voient clairement. Au début, lorsqu'on observe les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, on ne voit qu'un seul mouvement. Et on ne voit que la partie centrale de ce mouvement. On n'est pas capable de voir plus en détail. Mais lorsque la tension se sera renforcée et qu'on notera soulèvement, on sera capable de voir le début de ce mouvement et la fin de ce mouvement. Lorsqu'on notera abaissement, on sera capable de voir le début de l'abaissement et la fin de l'abaissement. C'est la force de l'attention. Nous deviendrons également capables de voir qu'à l'intérieur d'un seul mouvement de soulèvement, il y a en fait une succession de petits mouvements qui se suivent les uns après les autres. Le yogi qui a donc développé son attention est capable de voir qu'il y a une succession de petits mouvements dans un seul mouvement de soulèvement et dans un seul mouvement d'abaissement. Mais si vous n'avez pas encore vu cela, ne soyez pas découragé. Contentez-vous d'être tout simplement très attentif. Ne recherchez rien. Ne cherchez pas à voir cela. Ces choses vont se manifester d'elles-mêmes. Jusqu'à présent, vous n'avez donc pas encore réussi à voir ces petits mouvements peut-être, mais vous avez déjà compris qu'après le mouvement de soulèvement vient forcément le mouvement d'abaissement. Voir cette succession d'un mouvement de soulèvement et d'un mouvement d'abaissement, c'est également voir clairement. Lorsque vous aurez atteint un certain niveau de compréhension, vous verrez qu'il y a beaucoup de sensations douloureuses dans le corps. Voir cela, c'est également comprendre. Vous serez devenu capable de les gérer et votre attention pourra chaque fois les noter. Si vous n'êtes pas attentif, que votre attention n'est pas développée, vous ne voyez pas qu'il y a tellement de sensations douloureuses dans le corps. Lorsque donc vous avez développé votre pratique et que vous avez atteint un certain niveau de compréhension, vous voyez clairement. Tout simplement parce que vous disposez alors de la patience et d'une forte attention. Parfois, notre vue pourrait ne pas être bonne. Il y a là, devant nous, sur le sol, quelque chose que nous prenons pour une corde noire. Mais cela bouge. Bon, nous commençons à hésiter. Est-ce un animal ? Nous sommes très intéressés, nous voulons voir clairement, nous nous rapprochons et nous voyons qu'il s'agit en fait d'une colonne de fourmis. Nous voyons que cette colonne est faite d'un très grand nombre de fourmis individuelles. Ce n'est donc pas une corde. Si nous réussissons à voir qu'il s'agit d'une colonne de fourmis et que ce sont chaque fois des petites fourmis individuelles, on peut dire qu'on voit clairement. Ici, c'est la même chose. Vous voyez très clairement que tous les phénomènes que vous observez à l'intérieur de vous s'arrêtent chaque fois, qu'ils disparaissent chaque fois. Vous observez les mouvements de soulèvement de l'abdomen et vous voyez qu'il y a une succession de petits mouvements qui chaque fois s'arrêtent, sont séparés l'un de l'autre. Pour l'abaissement, c'est la même chose. Tous ces petits mouvements sont séparés l'un de l'autre. Lorsque vous bougez le bras, vous voyez que ce mouvement est également fait d'une suite de petits mouvements séparés l'un de l'autre. Au moment où vous observez les phases du pas lors de la marche, vous voyez également que ces mouvements ne sont pas d'une seule pièce, qu'ils sont faits de petits mouvements qui sont tous séparés l'un de l'autre. Vous voyez alors très clairement. C'est pourquoi on vous demande toujours d'être plus attentif, car plus vous serez attentif, mieux vous verrez. En posture assise, vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Mais cette compréhension des mouvements ne sera pas la même au début et lorsque votre attention se sera développée. Si vous avez la force de l'attention, vous verrez tout autrement. C'est pour cette raison qu'on demande toujours aux méditants d'être attentif, de continuer à développer son attention. C'est très important. Quand vous en arrivez là, votre esprit est très clair. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu capable de noter à chaque instant. Si vous notez à chaque instant, les kilesas, les impuretés n'ont aucune chance de pénétrer dans votre esprit. Et cet esprit va devenir clair et pur. Un esprit clair et pur devient lumineux. Le Bouddha nous dit que la nature de l'esprit, c'est d'être lumineux, d'être pur. Mais, en général, nos esprits sont pollués par les kilesas, les impuretés. Si donc nous réussissons à empêcher les impuretés de pénétrer dans notre esprit, du fait de noter à chaque instant, cet esprit va devenir pur et lumineux. Parfois, certains méditants expérimentent des lumières. Parfois, c'est une forte joie qui va se manifester. Parfois, un très grand calme, un très grand confort physique et mental. Le méditant a l'impression que le temps passe très vite. Il est assis pendant une heure, pendant deux heures. Il est plongé dans son attention. Mais n'oubliez pas de noter, de toujours noter ce qui se manifeste en vous. Si donc vous voyez des lumières, n'oubliez pas de noter voir, voir. Si vous expérimentez la paix, vous notez paix, paix. Si vous êtes calme, vous devez noter calme, calme, confort, confort. Si vous ne notez pas ces choses, vous ne progresserez plus. Parfois, lorsque vous notez tout cela très attentivement, vous avez avoir l'impression d'être tout seul. Mais vous aimez cette solitude. Vous avez même envie de renoncer au monde pour pouvoir pratiquer en solitaire. Parfois, vous vous mettez à enseigner le Dhamma en imagination. Vous enseignez le Dhamma à vos amis, à votre famille. Ce type de pensée n'est pas une pensée qui s'enracine dans les plaisirs sensuels. Mais vous avez tellement confiance dans l'enseignement du Bouddha que vous voulez vous mettre à enseigner. Vous essayez de convaincre des personnes mentalement de se mettre à la pratique, parce que vous-même, vous avez bénéficié dans une certaine mesure, des résultats de la pratique. Votre esprit s'aligne sur le Dhamma. Vous avez beaucoup de dévotion pour le Bouddha et pour son enseignement qui vous a déjà beaucoup apporté. Mais si vous vous complaisez dans les plaisirs sensuels, ce ne sera pas possible d'obtenir ce bonheur. Le disciple le plus important laïque le plus important du Bouddha était Anathapindika. Cet homme avait trois filles qui avaient toutes atteint l'illumination. Il avait un garçon, Kala, qui par contre ne pratiquait pas. Il n'avait pas l'intention de s'intéresser au Dhamma, même si son père était un Sotapanna. Son père était très dévoué au Bouddha, au Dhamma et à la Sangha. Il s'inquiétait pour son fils. Il se disait que lui était un disciple très dévoué du Bouddha et son fils, par contre, ne s'intéressait pas à l'enseignement du Bouddha et risquait ainsi de reprendre naissance dans les plans inférieurs. C'est quelque chose qui l'inquiétait beaucoup. Il essaya donc d'amener son fils au Dhamma. Il lui dit, un jour, « Si tu vas au monastère et que tu prends les préceptes, que tu t'engages à respecter les préceptes, pendant toute la journée, je te donnerai 100 dollars. » Le fils, en fait, n'était pas intéressé par les préceptes, mais beaucoup plus par l'argent. Il se rendit donc au monastère, et comme c'est l'usage en Asie, les jours d'Uposatha, donc des préceptes, il passe à la nuit au monastère. Probablement qu'il alla se cacher quelque part, mais il ne respecta pas les préceptes moraux. Le lendemain, il se rendit chez son père et demanda tout simplement son argent. Le père savait que le fils n'avait pas respecté les préceptes moraux, mais il lui donna malgré tout son argent. Le père donna donc l'argent à son fils, mais il lui dit « Cette fois, mon fils, si tu réussis à me redire ce que le Bouddha a dit dans son enseignement, je te donnerai 1000 $. » Le fils se rendit compte que 1000 $, c'était beaucoup plus que 100 $. Et donc cela l'intéressait. Il se rendit au monastère où le Bouddha se trouvait et écouta très attentivement le sermon de façon à pouvoir expliquer à son père de quoi il était question. La première fois, il n'avait même pas pris les préceptes moraux. Le Bouddha savait que ce garçon avait les potentialités pour atteindre l'illumination car ses paramis étaient mûrs. Et il voulait donc l'encourager, l'aider. Comment procéda-t-il? Il parla tout simplement très vite pour obliger Kala à écouter très attentivement. Kala écouta donc le sermon du Bouddha avec beaucoup d'attention. Et petit à petit, il commença à être intéressé par ce sermon et les explications du Bouddha lui plaisaient. Il était donc devenu très attentif à son corps et à son esprit. Et au moment où il écoutait ainsi très attentivement le sermon du Bouddha, il atteint le fruit du Sotapanna. Il changea alors complètement de comportement. La première fois, lorsque son père lui avait demandé de respecter le précepte moraux, Kala ne l'avait pas fait, et de plus, il n'avait pas suivi les 500 moines qui tous les jours venaient chez Anathapindika pour recevoir leur repas. Mais maintenant qu'il était devenu un Sotapanna, il suivit les 500 moines humblement, puisqu'il s'était mis le dernier de la file, et il marchait très attentivement. Il suivait donc maintenant la Sangha humblement, et il souhaitait que son père ne lui donne pas l'argent devant la Sangha, car il était gêné. La première fois, lorsqu'il était rentré, son père avait voulu lui offrir une soupe de riz, croyant que son fils était fatigué après avoir passé tout ce temps au monastère. Le fils avait dédaigné cette soupe de riz, il réclamait uniquement l'argent. Mais cette fois, c'était juste le contraire. Le fils souhaitait ne pas recevoir d'argent. Ceci, c'est iri, la honte de mal se conduire. Le Dhamma avait changé le comportement de son fils. Le fils avait donc atteint le premier stade d'illumination. Lorsqu'on pratique Vipassana, même si on n'a pas encore atteint le premier stade d'illumination, mais qu'on a réussi à développer un certain niveau de compréhension, nous deviendrons capables de gérer facilement les sensations désagréables. Nous serons capables de les accepter. Au début, le méditant expérimente surtout des sensations désagréables. Mais grâce à ces sensations désagréables et au fait qu'il est devenu capable de les accepter et de les gérer, il verra clairement l'esprit et la matière. Il réalisera les apparitions et disparitions. S'il poursuit sa pratique, il va comprendre de plus en plus. Mais pour y arriver, il faut qu'il pratique de façon diligente. Lorsque votre attention se sera développée, il est possible que vous expérimentiez, au moment où vous êtes en méditation, que les objets disparaissent avant que vous n'ayez eu le temps de les noter. Vous êtes sur le point de noter un objet et il a déjà disparu, vous n'avez pas eu le temps de le noter. Si vous réussissez à voir de cette façon, vous comprenez le danger que représente le samsara. Vous ne voyez que des disparitions. Ceci, ce sont des connaissances vipassana qui viennent de la pratique. Have you experienced in such a way? If you haven't experienced, please go and practice vipassana meditation. Avez-vous expérimenté ces choses? Si vous ne les avez pas encore expérimentés, s'il vous plaît, poursuivez votre pratique de vipassana. But we must settle down our mind first. We must overcome the hindrances. Also, not easy to overcome the hindrances. Before we settle down our mind, then the mind getting pure and clear, then we begin to understand mind and matter, cause and effect, as I explain now. Then, in such a manner, if our practice is full, powerful enough, who knows, the Buddha guaranteed, in this very life, we can attain enlightenment. Il faudra commencer par calmer notre esprit. Ensuite, nous devrons surmonter les empêchements. L'esprit va alors devenir très pur. Et nous commencerons à comprendre l'esprit et la matière, les causes et les effets. Et si notre pratique continue à se développer, qu'elle devient puissante, il est possible, nous dit le Bouddha, que nous atteignions l'illumination dans cette vie même. I think that's enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.